Radiomatique. Le projet allemand The Empath nous offrait la pièce At the Heart of It All, parue sur l'album Meanwhile, pour amorcer la transmission 050 d'Audiomatique, qui souligne le premier anniversaire de l'émission qui voyait le jour le 24 septembre 2014. Les électronistes reçoivent chaque son, chaque bruit et chaque texture sonore comme une offrande permettant de produire une création musicale. Peu importe que cette création soit cohérente ou dissonante, puisque la musique électronique est, à la base, un assemblage de structures sonores synthétiques explorant autant la dissonance que la cohérence. Et certains artistes réussissent à jouer sur les deux tableaux avec des compositions qui peuvent sembler de prime abord décousues, mais qui finissent par faire sens à mesure qu'elles progressent. C'est par exemple le cas du groupe Otaker et de sa pièce Augmatic Disport que nous allons entendre dans quelques instants. Sachez tout d'abord que cette formation britannique apparue en 1987 offrira une prestation à Montréal le vendredi 2 octobre prochain au Théâtre Fairmont. Il s'agit là très certainement d'un concert à ne pas manquer pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la musique électronique. Assez parlé maintenant, laissons la place à Otaker.

êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Avant la pause publicitaire, on entendait l'artiste Maya Arul-Pragazam. Elle incarne le projet MIA et nous offrait la pièce Exodus de son plus récent album intitulé Matangi. C'est un album qui est sorti en 2013. Avant cela, c'était le projet SB6 et sa pièce Protagonist. On retrouve cette pièce sur la compilation Free Your Mind de l'étiquette de disque britannique Mind Trick Records. Sachez que cette compilation vous est offerte gratuitement par le biais de la page Bandcamp de Mind Trick Records. Pour vous prévaloir de ce don et par le fait même découvrir ce label, vous n'avez qu'à vous rendre au mindtrickrecords.bandcamp.com. Et c'est Otaker qui ouvrait cette séquence musicale avec la pièce Augmatic Disport tirée de l'album Untitled paru en 2005. Rappelons qu'Otaker sera sur scène à Montréal le 2 octobre prochain au théâtre Fairmount. C'est maintenant au tour du groupe américain Maserati d'assurer la continuité à Audiomatic. À Audiomatique, ce segment à caractère guitaristique se terminait avec le duo français Botox, formé de Benjamin Boguet et Julien Briffaz, de qui nous entendions la pièce Bearded Lady Motorcycle Show, de leur premier album Babylon by Car. Et ce court segment donc s'amorçait avec la formation américaine Maserati, qui explore le style post-rock, mais souvent avec des touches de musique électronique, comme sur la pièce « They'll No More Suffer From Hunger » de leur album « Pyramid of the Sun » paru en 2010. Audiomatique se poursuit à l'instant sans plus s'attarder avec cette fois « Stereolab ». Love. Audiomatique était habité cette fois par Stereolab qui nous présentait ici la longue pièce Silver Sands, remixée par le projet anglais Emperor Machine, version qui se retrouve sur leur dernier album studio intitulé Not Music. Nous voici à l'approche du moment fatidique, à savoir l'heure à laquelle les électronistes doivent mettre fin à la transmission d'Audiomatique jusqu'à mercredi prochain. Il vous est toutefois possible de nous côtoyer toute la semaine, si vous le désirez, grâce au phénomène d'ubiquité qui permet de nous rendre disponibles à toute heure et à toute journée. Il s'agit de vous rendre sur notre page facebook.com/audiomatique-cfou pour pouvoir écouter ou réécouter comme bon vous semble toutes nos anciennes transmissions en différé. Le groupe Seven Trees se chargera de clore l'émission avec sa pièce Desire Slowly Bursting tirée de son seul album Embracing the Unknown paru en 1997. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter bonne semaine et bonne découverte musicale.